coffrais tout mon amour. D'année en année, je n'arrive à en faire le tour. Tes verts oasis, tes montagnes et tes vallées sont autant d'endroits où j'aime à me réfugier. Où étais-là? Malgré moi, je te faisais souffrir. J'épuiserai mes charmes afin de te retenir. J'arrêterai le temps pour toujours te regarder. J'arrêterai à temps tout ce qui te ferait pleurer. Mais c'est là. Si je